Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Voici les grands titres de cette édition. À une semaine de la passation de l'examen d'État édition 2023, élèves et enseignants au lycée du lac Tanganyika disent être prêts. Le manque récurrent du carburant préoccupe les habitants de différentes provinces du Burundi. Ils se sont exprimés vendredi soir dans l'émission Gilichushi Kirije de la radio Isanganiro. Dans cette édition, les responsables des partis politiques Kodebu et Sawanya Fodebu nous parlent des causes et décisions au sein des formations politiques. La mise en onde de cette édition est assurée par Alphonse Kubgimana. La radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois. Le Burundi se retire du dialogue relatif à la 138e session du Comité des droits de l'homme prévue à Genève en Suisse du 3 au 4 juillet de cette année. Dans un communiqué de ce lundi 3 juillet signé par Imelda Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de l'homme, des droits de la personne humaine et du genre, et fait savoir que le Burundi allait présenter son troisième rapport périodique devant le Comité des droits de l'homme. Et pour cela, la délégation burundaise est dit avoir soumis en préalable au comité selon lequel cette délégation ne peut pas présenter son rapport en présence de certaines personnes de la société civile œuvrant à l'extérieur du Burundi, des personnes qu'elle qualifie de criminelles condamnées par la justice burundaise et dont la liste a été remise au comité. Dans ce communiqué de ce lundi 3 juillet, la ministre Sabushimike dit que le comité n'a pas accédé à la demande de la délégation burundaise. Et que toutefois, le Burundi réitère son engagement auprès des organes du traité auquel il fait partie. Page sécurité de cette édition. Un homme habitant à Gatete, en commune et province Rumonge, est mort au cachot de la zone Gatete l'après-midi de ce dimanche. Selon certains habitants de Gatete, le défunt y était retenu depuis la semaine dernière à l'insu de sa femme, accusé d'avoir volé en régime de palmier à huile. Il serait mort suite à une diarrhée, selon ses proches. Des sources administratives à Rumonge confirment ce décès, indique que le corps du défunt repose à la morgue de l'hôpital Rumonge pour autopsie. Je vous l'annonçais en titre, poursuivons cette édition. Démolition ce lundi des maisons et clôtures construites dans la ville de Bururi, à moins de 6 mètres de la route nationale numéro 16. L'administrateur communal de Bururi qui dirigeait ce travail fait savoir que les propriétaires de ces constructions sont des récalcitrants contre la mesure du ministère de l'Intérieur. C'est au moment où certains des propriétaires de ces constructions disent qu'ils avaient clôturé leur maison location-vente tout en respectant les dimensions des parcelles. Ils réclament l'indemnisation ou la résiliation du contrat de vente pour récupérer leur argent. Une correspondance signée Zenon Nzambiman. Les premières constructions qui ont été démolies ce lundi au chef-lieu de la province de Bururi, c'est d'abord une maison dans laquelle travaillent les tailleurs et les coiffeurs. Une maison située juste en bas des bureaux de la Régie des Eaux sur la route nationale numéro 16 Bururi-Rumonge, qui a été presque totalement démolie, de même qu'une clôture d'une maison en bas de ce salon de coiffure. Abbé Denego, propriétaire de cette maison dont la clôture a été démolie, grogne que sa clôture vient d'être démolie pour la deuxième fois, alors que les employés de la commune de Bururi avaient bel et bien mesuré les 6 mètres à laisser à partir de la route avant la reconstruction de cette clôture. D'autres clôtures, comme celles situées à côté et en face de l'agence de la banque BBCI de Bururi, ont été trouées et d'autres ont été démolies à moitié, ainsi que toutes les constructions en planches situées sur cette route nationale. Une autre maison qui a été démolie sur les murs, c'est une maison en bas de l'ancien parking des véhicules qui assure le transport en commun vers la localité de Myogaro, une maison appartenant à un certain Mimbaze Justin. Ce dernier grogne en disant qu'il détient tous les documents attestant qu'il avait acheté sa parcelle à l'État et qu'il a même un contrat de vente, de même que d'autres dont les clôtures de leur maison ont été démolies alors que ces maisons étaient des locations-ventes achetées à l'État, demandent l'indemnisation ou la résiliation des contrats pour qu'ils puissent récupérer leur argent, car les bornes n'ont pas été dépassées, disent-ils. L'administrateur de la commune d'Obruli qui dirigeait ce travail nous a indiqué que les propriétaires de ces maisons et clôtures démolies sont parmi les récalcitrants contre la mesure du ministère de l'Intérieur, surtout qu'ils ont été appelés à maintes reprises au bureau communal d'Obruli pour les exiger de démolir eux-mêmes leur construction ne respectant pas les 6 mètres à partir de la route nationale numéro 16. Félix Nyongabo indique que même la main-d'œuvre utilisée pour démolir ces constructions sera payée par les propriétaires de ces maisons. Depuis Bruli, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Place à la rubrique éducation. Les élèves finalistes du cycle post-fondamental se préparent à passer l'examen d'état édition 2023, une semaine de la passation de cet examen qui donne accès à l'enseignement universitaire. Élève et enseignant du lycée du lac Tanganyika en mairie de Bujumbura indique que les préparatifs sont avancés. Ils espèrent déjà de bons résultats. Le point avec Jean de Dieu Irakoze. Nous allons déterminer la concentration sur toutes les espèces. Nous sommes au lycée du lac Tanganyika 2 à 12h15 de ce lundi. Les lauréats de l'examen d'État édition 2023 et leurs enseignants révisent les matières. Ces candidats saluent les réalisations déjà effectuées en ce qui concerne les préparatifs. Les préparatifs avancent bien. On a eu le temps de réviser tous les cours. Et puis, la charge des élèves qui ont été certifiés, vraiment, on a eu l'occasion de réviser tous les cours qui vont être effectués à l'examen d'État 2023. Comme vous le voyez, on est en cours de préparation de l'examen d'État et tout se passe comme prévu. Par exemple, les cours qui sont inscrits à l'examen d'État, on voit que la révision, on est en train d'entamer la fin. On fait beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de théories. C'est beaucoup, mais c'est trop facile à étudier. On est tous prêts à participer à l'examen d'État. Et on est sûr qu'on sera le premier pour le classement. Même son de cloche pour les enseignants. Ils expliquent qu'ils ont achevé dans le meilleur délai les programmes et espèrent déjà de bons résultats. Laurent Nguroutse est directeur de ce lycée. Vous savez, il y a des cours qui font objet à l'examen d'État. Tous ces cours ont été achevés dans les meilleurs délais. Et maintenant, les enseignants, ensemble avec les élèves, sont en train de réviser la matière et vie au cours de l'année, dans les cours, bien sûr, qui font objet à l'examen d'État. Ils sont en train aussi de faire les épreuves types qui ont été données par le ministère ayant en charge l'éducation. Donc, je pense que tout va bien en rapport avec les préparatifs. Je pense que les résultats seront beaux compte tenu de l'état des préparatifs. D'après ce responsable de cet établissement scolaire, environ 150 lauréats vont passer cet examen d'État édition 2023. En page politique, les jeux d'intérêt personnel et l'ignorance des projets de société au sein d'un parti politique sont à l'origine des décisions au sein de ces derniers propos du président du parti Sahwanya Fodebu qui indique que la divergence d'opinion est normale. Par contre, cela implique que les partis n'ont pas encore atteint le stade où la démocratie est renforcée. Pierre Claver Nahimana considère que le mieux serait de mettre en place et consolider les mécanismes de gestion pacifique des conflits au sein des partis politiques. Suivez-le au micro de Lydie Gahimbari. On constate effectivement dans nos pays, lors des élections, avant ou même après les élections, on constate que souvent ce sont des temps très fragiles pour les partis. Les partis deviennent très fragiles, ils se divisent parce que justement à cause de ces enjeux d'élections très compliqués. Les premières divisions, on peut les situer au niveau d'une non-maîtrise des projets des sociétés qui gouvernent ces partis. Si à l'intérieur d'un parti, le projet de société n'est pas compris de la même façon par tout le monde, il y a beaucoup de risques, quand même au niveau des programmes politiques, ne vont pas s'entendre au moment des élections, au moment de se présenter devant les électeurs. À ce moment-là, la division est prévisible. Il peut advenir des problèmes d'intérêt pour des individus qui ne sont même pas des intérêts pour le parti, pour le pays. Alors, dans ce moment-là, si ces intérêts ne sont pas partagés, nécessairement, il y a risque de division. Il y a un autre phénomène, c'est celui de dire que les lois sont interprétées différemment, les lois qui gouvernent les partis politiques. Les lois qui gouvernent les partis dans le monde entier, il y a des ouvertures que chaque militant qui veut, il peut aller adhérer à un autre parti politique ou fonder un parti politique. Donc ça, c'est démocratique. Mais lorsque la division reste en interne, et qui continue à se chamailler en interne sans prendre la décision de se séparer. Là, ça devient nuisible parce que ça détruit le parti. Est-ce que cela est de la démocratie? Non. C'est permis, mais ce n'est pas de la vraie démocratie. Normalement, pourquoi ce n'est pas de la vraie démocratie? La démocratie elle est construite pour unir et elle n'est pas faite pour diviser. Nous ne sommes pas encore solides pour avoir des mécanismes solides de réconciliation, des mécanismes solides de conciliation lorsqu'il y a conflit, de règlement de conflit. Au sein des partis, effectivement, lorsqu'il y a des divisions de ce genre, ces mécanismes interviennent très fort pour calmer le jeu, pour concilier les gens. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Afro-Debou. Les discordes au sein des partis politiques sont essentiellement dus à un manque de démocratie. Propos du président du parti Kodebou, Kefa Niwizi, fait savoir que la lutte pour les intérêts personnels entraîne aussi la scission des partis. Il lance un appel à tous les membres des formations politiques à rester unis. On l'écoute au micro de Oda Ndaishimi. Il faudra noter d'abord que c'est normal qu'il y a des hommes, il y a toujours des conflits. Et les conflits, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent conduire à des dissensions graves. Alors, pour qu'il y ait manque de gestion de ces conflits au sein d'un parti politique, c'est que d'abord il y a manque de qualité démocratique au sein de certains partis politiques, où devant un problème, il n'y a pas de dialogue, chacun utilise la violence ou la brutalité pour résoudre le problème. Un autre problème qui se pose, c'est que certains leaders des partis politiques ne mettent pas en avant l'objectif que le parti s'est assigné, où faut-il conduire le pays, mais aussi ne se préoccupent pas des attentes de la population ou des membres vis-à-vis de ce parti, mais aussi il peut y avoir une instrumentalisation qui est orchestrée par d'autres acteurs politiques qui profitent des petits conflits pour les aggraver, en fait d'affaiblir un parti politique dans le sens où ils promettent des avantages à une partie si une fois le parti est fragilisé. Mais il faudra noter que dans la plupart des cas, tout le monde est père. Même si vous avez accepté d'être instrumentalisé, quand votre formation politique n'est plus forte, on ne va plus s'intéresser à vous. Donc là, je lancerai un peu un appel à tous les partis politiques qu'il faut beaucoup plus penser à l'idéologie, penser aux attentes que nos militants, qui des fois acceptent de souffrir pour nous, attendent de nous. Et il faut savoir qu'on est valable quand on est toujours fort. Et qu'en se divisant, on est plus fort et par voie de conséquence, on est en voie de perdition. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h13 dans le studio de la radio Isanganiro, les habitants de différentes provinces du pays déplorent le manque persistant des produits pétroliers. Au cours de l'émission Girichukishikirije de vendredi à la radio Isanganiro, ils regrettent que les activités sont perturbées ainsi qu'une hausse généralisée des prix des produits de première nécessité. Ils demandent au chef de l'État de trouver solution à cette problématique comme il a promis. Suivez. Il y a un grand problème dans la commercialisation du carburant, alors qu'il y a des sociétés qui sont chargées de la vente du carburant. Même la Régie des eaux a été associée pour appuyer dans le secteur pétrolier. Quel est ce problème? Même des tickets ont été en vue à la hausse. Dimanche, au parking de Kotebou, j'ai été surpris, un passager a payé 25 000 francs burundais jusqu'à Kayanza. À Bugarama, c'était entre 7 000 et 10 000 francs burundais. Les concernés devraient agir pour prévenir, car c'est la population qui subit des conséquences dues au manque du carburant. La problématique du carburant est devenue casse-tête. Et cela engendre la hausse des prix pour divers produits et services. Nous réclamons la disponibilité du carburant. Ici, à Moruta, il n'y a pas de carburant. Des transporteurs augmentent les prix comme ils veulent à cause de son manque de carburant. Je vais agir sur le manque de carburant. Ils devraient voir comment trouver solution à cette problématique. Le chef de l'État a promis de prendre cette question en main. Pour le moment, le trajet qui coûtait 2000 francs, maintenant c'est 6000 francs. Nous implorons le chef de l'État, comme il avait dit qu'il prend la question du carburant en main, qu'il essaie pour que nous ayons ce carburant. On ne travaille plus, les enfants meurent de faim. Le problème du manque du carburant est devenu casse-tête. Souvent, il écoute des informations. Si l'État l'écoute, qu'il nous aide pour ce manque de carburant. C'est au président de la République de résoudre la question. Radio Isanganiro, chronique sport. La préparation des émissions sportives avant l'arrivée de l'Internet était difficile du fait que les journalistes sportifs de cette époque se servaient de l'instrument qu'on appelle le téléscripteur, donnant différentes informations 24 heures sur 24. Rachid Alfred, journaliste sportif senior, fait savoir que ce téléscripteur fournissait des informations en différentes langues où les journalistes étaient obligés de trier l'information dont ils avaient besoin. Les détails, c'est dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. Avant l'arrivée de l'Internet, il était difficile de préparer les émissions sportives et du fait que les journalistes sportifs de cette époque laissaient les informations fournies par les téléscripteurs. Rachid Alfred, journaliste sportif senior, explique que ces téléscripteurs sont les instruments appartenant aux agences internationales de télécommunications. On préparait les émissions sportives en utilisant les dépêches envoyées par les téléscripteurs. Les téléscripteurs, ce sont des instruments que les agences internationales employaient pour nous envoyer des nouvelles. Ici, il nous parle les noms de ces agences qui fournissaient les informations à l'aide des transcripteurs 24 heures sur 24 heures. Par exemple, l'agence de France Presse, c'est une agence française, par exemple. Agence Retail, c'était pour les Britanniques, les Anglais. Agence TASS, c'était pour les Soviétiques. À cette époque-là, c'était pas encore la Russie, c'était l'Union Soviétique. Agence Associated Press, c'était pour les États-Unis. Ils nous envoyaient des dépêches, hein, tout le temps. 24 heures sur 24 heures. Rachid Alfred indique que les journalistes sportifs triaient les nouvelles qu'ils ont besoin de traiter. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On triait la nouvelle qui nous convient, et puis vous la traitez, vous transcrivez, ou je sais pas, vous traduisez comme vous voulez. Ça peut venir en anglais ou en français pour les Français. Les Chinois aussi ont envoyé les agences, dès l'agence, vous voyez, des dépêches en chinois, tout ça. Ça dépend de la durée de votre émission, ça dépend aussi des nouvelles qui vous intéressent. Et parfois, il arrivait des nouvelles plus conséquentes, bonnes nouvelles, autrement dit. Si vous avez une heure pour une émission de sport, vous triez les dépêches qui vont se filer pour la durée de votre émission. Sinon, c'était pas viable. Ces informations étaient traitées à respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Rachid Alfred indique que ces transcripteurs étaient achetés par le gouvernement du Burundi via le ministère de l'Information. Oh, les instruments, c'est le gouvernement qui... Nous, parce qu'on travaillait à la RTNB, et les téléscripteurs étaient envoyés par le gouvernement, le ministère de l'Information qui nous achetait des téléscripteurs. Je ne sais pas, c'était une série radio, c'était une radio nationale. Il n'y avait pas de radio privée. Ce n'était pas encore le temps de l'arrivée des radios privées. C'était une série radio pour le pays, radio nationale. Donc les transcripteurs, c'est le ministère de l'Information, donc le gouvernement s'achetait pour qu'on utilise ça, hein, en cherchant des informations. Dans la prochaine chronique sportive, Rachid Alfred expliquera comment l'arrivée de l'Internet a facilité la préparation des émissions sportives. Jean-Marie Vianney Ngendakouman, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.